إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، donc on est arrivé à la fin du troisième chapitre, donc chapitre de التحقيق التوحيد. donc من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Celui qui a accompli le tawhid complet rentre au paradis sans jugement et sans châtiment. On avait lu le long hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les communautés sont, qu'Allah jalla wa ala a fait défiler devant lui les communautés, c'est-à-dire les communautés depuis Adam alayhi salam, et qu'il a vu différents prophètes avec les gens donc qui ont cru en lui, et donc que chaque communauté suit son prophète et suivra son prophète le jour du jugement. Et là, il a vu donc certains messagers seuls, certains avec quelques personnes, et il a vu deux grandes foules. La première, c'était Moussa alayhi salam et donc sa communauté, et il a vu sa communauté à lui, qui est donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager le plus suivi, qui aurait été le plus suivi le jour du jugement. Et parmi ces 70 000-là, cette foule-là, il y a 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 70 000 qui rentrent au paradis, donc sans jugement, sans même être jugés. Et donc forcément, ni jugé ni châtié. Et là, on a vu que les compagnons, ils sont entrés en discussion concernant ces gens-là. Ils ont évoqué plusieurs hypothèses, et on rappelle que l'histoire du hadith, donc c'est qu'un tabi'i qui s'appelle Hussein ibn Abd al-Rahman, élève de Saïd ibn Jubair, il a été piqué lors d'une nuit, il a été piqué par un animal venimeux, un scorpion ou un serpent, on n'a pas le détail. Saïd, son cheikh, il lui a demandé ce qu'il a fait. Il a cherché quelqu'un pour faire une ruqya, en se basant sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Buraïda. Et là, Saïd, c'est là qu'il a ramené le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, pour lui expliquer qu'il y avait mieux à faire que ce qu'il a fait. Il l'a d'abord félicité pour avoir œuvré en fonction de la science qu'il avait. Ça, c'est le plus important. Mais que lui, il avait une science meilleure et qu'il avait quelque chose de mieux à faire. Donc, il lui a enseigné. Et donc, ça vient dans ce hadith-là, le hadith des communautés. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il a dit que c'est des gens qui réunissent certaines caractéristiques. Donc il a dit humul ladhina la yastarqun, on avait dit la yastarqun, donc ça concerne ici le hadith, l'histoire de Hussein, ceux qui ne demandent pas de ruqya, c'est-à-dire lorsqu'ils ont besoin d'une ruqya, ils vont pas la demander à quelqu'un, ils vont pas dire à Foulen fais une ruqya sur moi, etc. Même si la ruqya à la base c'est quelque chose de permis, le fait de demander c'est makruh, parce qu'on a dit la cause, c'est que il y a la personne, elle s'écarte quelque part d'Allah Jalla wa Ala vers sa créature. Son cœur, il se détourne du visage d'Allah Jalla wa Ala, et il va exprimer son besoin à une créature d'Allah, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette demande, encore une fois, elle n'est pas shirki, puisque la personne, elle est capable de faire une ruqya, donc ça ne rentre pas dans le shirk, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la réalisation du tawhid complet. Tahqiq al-tawhid, comme il l'a appelé le cheikh. Donc, il a cité plusieurs choses. Hum al-ladhina al-yastarqun wa al-yaktawun. Donc, ils ne pratiquent pas al-kay, la cautérisation. Wa la yatatayyaroun wa ala rabbihim yatawakkaloun. Et qui ne pratiquent pas aussi al-tiyara. Al-tiyara, on le verra en détail, c'est une sorte de shirk. On l'avait dit, c'est le fait de se baser sur le mouvement des oiseaux ou leurs cris ou d'autres animaux pour en tirer, pour en déduire des événements qui se passent sur la terre. C'est-à-dire qu'on avait dit que les Arabes, par exemple, ils se basaient sur le mouvement des oiseaux et sur leurs cris pour prendre certaines décisions. Ils passaient à côté on peut imaginer, là, comme on voit les pigeons au centre-ville, tous agglutinés dans un endroit parce qu'il y a quelque chose à picorer, à manger ou quoi. Ils mettaient un coup de bâton comme ça pour leur faire peur, et selon qu'ils partaient à droite ou à gauche, ils en décidaient la direction qu'ils allaient prendre ou qu'ils allaient pas prendre, ou etc. Donc, ils prenaient des sabbeb qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas permis. Donc ça, ce qu'on essaie, ça rentre dans les sabab al-muharrama. C'est des causes qu'Allah jalla wa ala, il n'a pas permis. C'est des causes interdites. Donc ça rentre dans, c'est une sorte de shirk asghar. Contrairement au fait de demander la ruqya, demander la ruqya, on a dit, c'est quelque chose qui est makro. Donc c'est un sabab makro. Donc ça rentre pas dans le shirk. Et le fait de délaisser, c'est mieux. Même quand on en a besoin. Donc ici, ce qui est voulu, c'est que tahqiq al-tawhid, c'est délaisser ces sebeb-là qui sont à la base. Bon, on ne parle pas de tiara, parce que tiara, encore une fois, ça rentre dans le shirk asghar. Mais concernant l'istirqa, le fait de demander la ruqya, et l'iktiwa, le fait de pratiquer la cautérisation, le kay, c'est des sebeb qui sont makruh. Et même lorsqu'on en a vraiment besoin, le fait de le délaisser et de vraiment s'appuyer sur Allah Jalla wa Ala pour obtenir ce qu'on veut, donc ça, tawakkul, ça représente donc l'accomplissement du tawhid complet, tahqiq al-tawhid, et c'est comme ça que la personne elle gagne, elle fait partie de ce qu'on appelle le sabiq ou as-sabiquna bil khayrat, et qu'elle mérite cette grande récompense, ce grand mérite d'être, donc d'éviter même le jugement. Et donc, évidemment, forcément, le châtiment. On était donc arrivé à la fin du hadith. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit ces 70 000-là, donc en citant ces caractéristiques-là. On a vu que dans une version de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah jallahu alayhi, il a rajouté avec chacun des 70 000, 70 000. Avec chacun des 70 000, 70 000. Et là, donc ça c'est la fin du hadith. On était arrivé à la fin du hadith. Et là, il y a un homme qui s'est levé, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ukashatu ibn Mihsan. Donc dans le matin, dans le hadith, faqama Ukashatu ibn Mihsan. فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال صلى الله عليه وسلم أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة donc عكاشة بن محصن compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم il s'est levé lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il a décrit ces gens-là il a dit oh, envoyé d'Allah invoque Allah qu'il me mette parmi eux, que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, tu fais partie d'eux. Et là, il y a un autre homme qui s'est levé et qui a voulu lui aussi faire partie donc de ces gens-là et de mériter cette récompense-là, qui a dit, oh, envoyé d'Allah, invoque aussi Allah pour moi. Et il a dit, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'Aukasha, il t'a devancé. Aukasha, il t'a devancé. Donc ici, le Muhashi Abdurrahman, rahimahullah, il dit, donc concernant Aukasha ibn Mihsan, il dit, Bidam al-Ain wa Tajdid al-Kaf, Aukasha, ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء محصن محصن وفتح الصاد ابن حرثان بالضم الحاء ابن قيس ابن مرة الأسدي من السابقين شهد بدرا واستشهد في قتال ردة مع خالد بن الوليد رحمه الله radiallahu anhu. Biyad Tulayhata sanata ithnata. Donc, Ukash ibn Mihsan, il fait partie de la tribu de Bani Asad, l'Asadi. Donc, il s'appelait Ibn Hurthan, Ibn Qays, Ibn Murra, l'Asadi. Et il faisait partie de As-Sabiqin al-Awwalin. Donc, on rappelle que ce qu'ils ont appelé As-Sabiqun al-Awwalun, comme ça vient dans le Coran, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, c'est ceux qui sont rentrés en islam avant le pacte de la Hudaybiyah. Ceux qui sont rentrés en islam avant le pacte de la Hudaybiyah, c'est eux, As-Sabiqin, al-Awwalin. Donc ceux qui sont rentrés au moment où l'islam était en état de faiblesse et où le nombre de partisans était faible. Et où la force était encore avec les kuffars. Shahid Abadran, il a participé à la bataille de Badr. Donc, il fait partie des grands compagnons. Et il a été tué lors des combats de la guerre des apostats. On sait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il y a beaucoup de tribus arabes qui avaient embrassé l'islam, qui ont apostasié. Et Abu Bakr, radiallahu il a combattu les gens de Ridda. Et bon, était à la tête de l'armée. Khalid ibn Walid, il était à la tête de l'armée de Abu Bakr. Sur ça, Ali ibn al-Madini, le cheikh de l'imam al-Bukhari, dit N'Allaha ayyad Allaha al-Islam bi rajulain la thalitha lahuma bi Abi Bakrin yawm Aridda wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm al-Mihna. Ali ibn al-Madini, le cheikh de l'imam al-Bukhari, dit qu'Allah Jalla wa Ala, il a secouru l'islam par deux hommes. Et il n'y a pas de troisième là à ces deux hommes. Le premier, Abu Bakr, Yawm Ridda. Donc, quand il y a eu l'apostasie des tribus arabes, donc c'est quelque chose de colossal. C'est-à-dire que la majorité d'entre les Arabes qui avaient accepté l'islam, ils sont sortis de l'islam. Pour différentes raisons. Mais c'était quelque chose de colossal. Et Abu Bakr, il a tout de suite pris la décision de les combattre. Donc, dans le sens de la parole de Ali ibn al-Madini, et ensuite, Allah Jalla wa Ala, il a secouru l'islam par l'imam Ahmed, Yawm al-Mihna, c'est-à-dire lorsque les Mu'tazila ils ont pris le pouvoir dans le Khilafat al-Habbasiyya et que la Shubaha de Khalq al-Qur'an, que le Qur'an c'est une créature et que ce n'est pas la parole d'Allah, ce n'est pas une sifat d'Allah, elle s'est propagée et qu'ils ont imposé ça à tout le monde. L'imam Ahmed, il a patienté dans ce qu'ils appellent le mihna, dans l'épreuve. Donc, il a été, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, fouetté, enfermé, etc., torturé. Mais il est resté thabit, stable, sûr. S'est accroché à la parole que le Coran, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Et par ça, Allah Jalla wa Ala, il a secouru la croyance des musulmans, puisque il y a un des compagnons du prophète de l'imam Ahmed qui s'appelait Ishaq ibn Rahawiya qui a dit laoula, il a dit laoula Ahmed wa badru nafsihi la dhahab al-Islam. Donc il a cité ici le sabab sans l'imam Ahmed et son dévouement ou le dévouement de sa propre personne par les tortures, etc., il dit l'islam serait parti. Il n'y aurait plus d'islam. Parce que tout le monde aurait suivi la voie de l'Mu'tazila et tout le monde aurait dit que le Coran, c'est une créature, que ce n'est pas la parole d'Allah Azzawajal. Et on a vu dans le Wasitiya que la grande majorité des salafs disent que celui qui dit ça, il est kafir. Kafir billah. Taïb. Pour revenir, donc il a été tué. Il a été tué, Allahu alam, je sais plus si c'était lors de la khilafa Naam, Sanat, il a été tué lors de la khilafa de Omar ibn al-Khattab. Faisait partie de l'armée de Sa'd ibn Abi Waqas. Il a été tué par Tuleyha, la 12e année de l'Hégire. Et donc, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah azawajal pour faire partie de ces 70 000-là. Et donc, de mériter cette grande récompense. Et là, donc, il y a une autre riwaya dans le Sahih al-Bukhari où il a dit Allahumma ja'alhum minhum. فقتل شهيدا وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته أما بعد وفاته فشرك أكبر. Dans une riwaya de l'imam al-Bukhari, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit clairement, tu fais partie d'eux. Mais il a invoqué Allah, c'est-à-dire que Oukasha, il a dit, ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Et là, le professeur sallam, il a dit, ô Allah, fais qu'il fasse partie d'eux. Il a invoqué Allah. Alors que dans la première riwaya, dans le matin du livre, il dit, Anta minhum, tu fais partie d'eux. Et on tire du hadith. Qu'est-ce qu'on tire? On tire qu'il est bien de demander la dua de quelqu'un qui est du pieux, quelqu'un qui a un mérite dans la religion, quelqu'un qui a une place dans la religion. Ici, évidemment, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que cette chose-là, le fait de demander une dua, évidemment, on le fait pendant le vivant. Pendant le vivant, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un autre wali parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les rapprochés d'Allah, soit les compagnons, que ce soit, on le fait pendant le vivant de la personne, pas après sa mort. Parce qu'après sa mort, du'a al-amwat, comme on le verra de manière détaillée dans le livre, inshallah ta'ala, le fait d'invoquer les morts, c'est du shirk akbar. Shirk akbar. Il y a des ulama comme Ibn Taymiyyah qui font remarquer que le fait de demander une dua, ce n'est pas quelque chose dans la sunna qui vient de manière répétitive, habituelle. Le fait de demander comme ça, de manière continuelle, à chaque fois qu'on voit quelqu'un, ouais, invoque Allah pour moi, invoque Allah pour moi, comme c'est un peu l'habitude chez les gens, ce n'est pas quelque chose qui est dans la sunna. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté, il y a un khilaf dans le hadith, lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est rendu au Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Omar d'invoquer Allah pour lui. C'est la seule fois où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé une dua à quelqu'un. Or, bon, on peut dire que parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait de la place qu'il a, il n'a pas besoin d'une dua de quelqu'un qui est en dessous de lui. Mais globalement, il y a des savants qui ont dit que ce n'est pas une sunna de demander comme ça de manière habituelle à tout le monde, invoque Allah pour moi, j'ai besoin de ta dua, et c'est quelque chose qui s'est passé quelques fois simplement dans la sunna. Et donc, la règle, c'est que quelque chose qui se passe une fois dans la sunna, on ne peut pas en tirer une sunna continuelle. Ça, c'est important. Par exemple, c'est rapporté, Allahu alam, je crois que c'est dans Sunan al-Tirmidhi, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans Salat al-Maghrib, il a récité Surat al-A'raf. Or, si on regarde dans tous les autres hadiths, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Maghrib, il récitait des sourates courtes qui sont dans Juz Amma. Parce que le temps de le Maghreb, déjà, il est assez court. Donc, il ne récitait pas long. On a un hadith où, une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité l'A'raf, qui est une sourate longue. On ne peut pas en tirer que le fait de réciter long ou de réciter de manière précise l'A'raf dans le Maghreb, c'est une sunna. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois. Comme on voit dans le hadith, il l'a fait une seule fois. Par contre, ce qui était habituel, c'est qu'il récitait court. Donc ça, c'est une règle Quelque chose qui s'est passé une fois ou deux fois dans la sunna de manière ponctuelle, on ne peut pas en faire une sunna comme ça habituelle. Le prophète sallam l'a fait, ça veut dire que ce n'est pas interdit. Quelqu'un il peut réciter long dans le Maghreb par exemple une fois, mais il ne faut pas en faire une habitude. Ça c'est la règle concernant la sunna. Donc pareil concernant la dua. Et encore moins demander des dua. On voit des gens qui demandent des dua à tout le monde, à n'importe qui quoi. Ah, il croise un gars rasé de près, on ne sait même pas s'il fait la prière, le gars, on ne sait rien, fait invoque Allah pour moi. Bon, ça, c'est des choses qui n'ont pas de trace ni chez les salafs ni dans la sunna. La base ici, il parle de du'a min al-fadil. Okay, il a demandé la du'a de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et évidemment, comme le shir, il précise, durant son vivant, pas après sa mort, se rendre à sa tombe. Et s'adresser à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et demander des choses. Mbabi shirk al-akbar. Il y a une riwaya, minhum ana, qala na'am. Dans une riwaya, Aukasha, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant est-ce que j'en fais partie envoyé d'Allah. Il a dit oui. Parce que, encore une fois, il n'y a aucun doute que ces 70 000-là, c'est les meilleurs. Et que la grande majorité d'entre eux, même si on a dit qu'il y en aura jusqu'au jour du jugement, la grande majorité d'entre eux, c'est qui? C'est des gens qui font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui font partie parmi les meilleurs des compagnons. Donc les gens qui sont rentrés, comme on a dit, al-sabiqin, al-awwalin, les gens qui sont rentrés en islam tôt, les gens qui ont participé à Badr, les gens qui ont participé aux grandes batailles, etc. Donc lui, il en fait partie. Là, ces caractéristiques-là, donc, c'est quelqu'un qui mérite d'en faire partie. Ensuite, comme on a dit, il y a un autre homme qui s'est levé et qui a dit, « Oh, envoyé d'Allah, fais que j'en fasse partie aussi. » Ou « Invoque Allah pour que j'en fasse partie aussi. » Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que « Aukasha, il l'a devancé. » Donc ici, il dit qu'il a été évoqué de manière globale, c'est-à-dire sans citer son nom. Quelqu'un qui s'est levé, un homme s'est levé, et il n'y a pas vraiment besoin, il n'y a pas de faïda à savoir qui c'est exactement cet homme-là, quel compagnon c'était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulama ils disent quoi? Ils disent que il a répondu, il a utilisé ce qu'on appelle en arabe ta'arid. Ta'arid, ça veut dire c'est le fait de nuancer une réponse. Ça atteint pas le fait de dire quelque chose qui contredit la réalité, la vérité, parce que bon, ça rentre dans le mensonge, mais c'est, je sais pas comment on appelle ça en français, dire quelque chose qui est un peu évasif. Pour pas répondre franchement à la personne parce qu'on risque de la blesser ou de la toucher ou quoi, donc on va répondre un peu à côté ou en faisant une allusion à autre chose. Donc là, le prophète sallam, il a dit que Aukasha, il l'a devancé dans cette demande-là. Et lui, le muhashi, il dit « Ay, qala dhalika saddan » للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون وسبق إلى الأمر بادر إليه وسبقه إليه تقدمه وخلف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu ça. Premièrement, pour pas que les gens ils commencent à se suivre les uns les autres dans cette demande. S'il dit au deuxième oui, toi aussi, chacun il va commencer à lever la main. Le prophète sallam il a voulu couper ça. Et aussi, il a pas voulu dire à quelqu'un qui ne fait pas, qui mérite pas, qui a pas le mérite d'Aukasha, lui dire non, toi tu t'en fais pas partie. Toi. Comme ça, en plus devant tout le monde. C'est un peu gênant pour la personne qui va se lever ou envoyer d'Allah, fais invoque Allah pour que j'en fasse partie. Non, toi, t'en fais pas partie. T'as pas les qualités requises et t'as pas accompli ce qu'il faut pour en faire partie devant tout le monde. Ça va rabaisser la personne et ça faisait pas partie des akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il dit le verbe sabaqa ila al-amr yani badara ilay. C'est-à-dire, c'est le fait de s'empresser vers quelque chose, d'aller faire quelque chose. قال المصنف صديق الشيخ محمد رحمه الله دونك كتاب التوحيد دي وفيه استعمال المعارض استعمال المعارض المعارض سي سا سي سكون ادي سي لو فات دوتيليزي جو با كومون يترادوي سا ان فرونسي دوتيليزي ان اون فراز او ان تيرم بور ريبوندر ا كيلكان par la négative, à une demande ou quoi, mais sans évoquer clairement la raison ou la vraie raison. Pour pas, en général, soit pour pas blesser la personne, ou des fois, lorsqu'on est victime de zulm, d'une injustice, on a le droit de répondre de cette manière-là pour s'écarter de l'injustice. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser le ma'arid. Et on n'a pas le droit d'utiliser ça pour tromper quelqu'un, pour faire croire à quelqu'un quelque chose qui comprenne pas exactement ce que je veux dire, pour le tromper, pour l'arnaquer. Ou on peut l'utiliser pour quand on est mazloum. Par exemple, je vais vous donner un exemple, justement, si on revient à l'al-mihna, à la fitna qu'il y a eu sur Khalq al-Qur'an, bon, il y en a qui rapportent que l'imam Shafi'i, rahmatullah alayh, qui était à la même époque que l'imam Ahmed, parce que c'est un des chers de l'imam Ahmed. Donc, quand ils sont allés voir l'imam Shafi'i, ou d'autres a'imma, des grands savants, il y en a qui disent qu'ils avaient des feuillets de Coran, par exemple, dans la poche du qamis ou de leurs vêtements. Et quand on leur disait, toi, tu dis que le Coran, qu'est-ce que tu dis du Coran? Ou, le Coran, ouais, voilà, il disait, en fait, il disait, sans dire ça, il disait le Coran, makhlouq, il visait le Coran, makhlouq. Et après, il indiquait sur lui-même avec sa main, il disait, ah, oh, makhlouq, en fait, moi, je suis makhlouq, moi, je suis créé, yani. Moi, l'homme, je suis créé. C'est-à-dire, voilà, il utilise, c'est une genre de feinte, comme ça, de ruse. Mais parce que ici, c'est pour échapper à quoi? Au zulm. C'est-à-dire, c'était une époque où tu disais le Coran et tu dis pas makhlouq, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala, il te considérait kafir. Il te tue, il te torture, mais ils peuvent te tuer. Donc, ça, c'est isti'amal al-ma'arid. C'est utiliser comme ça des feintes de paroles ou de gestes pour faire comprendre, pour tromper un peu l'adversaire, yani, pour lui faire comprendre quelque chose, mais en fait, on veut dire quelque chose d'autre. Là, le professeur Salam, il a utilisé, évidemment, dans un but noble, de pas blesser la personne, yani, ou de pas l'afficher, comme on dit, en termes un peu, devant tout le monde. Ou encore une fois, comme l'autre exemple qu'on a cité, on peut l'utiliser quand on est dans des cas où on est en état de faiblesse, où on subit une injustice, pour tromper l'oppresseur ou le, on a le droit d'utiliser ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'après il dit wa husnu, le cheikh il dit wa husnu khuluqihi sallallahu alayhi wa sallam haith lam yaqul anta minhum wa la lasta minhum yani. Le professeur Salam, il n'a pas voulu lui dire, t'en fais pas partie, toi. T'as pas le mérite d'être au cash devant tout le monde. Il dit, le hadith, awradahu al-musannifu, ghayra ma'azouwin. Wa qadarawahu l'imam al-Bukhari, wa mukhtasaran wa mutawwala, wa muslim, wa lafzulah, wa tirmidhi, wa ghayruhum. C'est-à-dire, le Cheikh Mohammed, dans le matin de Kitab Tawhid, il a pas dit qui c'est de ce hadith qu'il l'a rapporté parmi les grands a'imma du hadith, les grands musannifin du hadith, comme Al-Bukhari, Muslim, etc., ou d'autres. Et le shir, il dit que ce hadith-là, on le trouve dans les deux sahih. Donc, l'imam Al-Bukhari, il l'a ramené plusieurs fois, une fois résumé, une fois dans toute sa longueur, et l'imam Muslim, dans son sahih aussi. Et les mots-là qu'on a vus, dans le matin, c'est les mots de Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, à part, on a vu que là, on a vu que dans le hadith là, on a, quand le prophète sallam, il a cité les caractéristiques des 70 000, il a dit, et on a vu que dans Sahih Muslim, dans une riwaya Sahih Muslim, il y a layastarqun. On avait parlé de ça la dernière fois. Il ne demande pas de ruqya, mais même c'est des gens qui ne pratiquent pas la ruqya complètement, qui délaissent complètement la ruqya. Et on avait vu que Ibn Taymiyyah, rahmahullah ta'ala, il a contredit cette riwaya, il a dit que c'est une erreur d'un des rapporteurs. Non. Donc on termine avec ce chapitre-là, Tahqiq al-Tawhid. Donc on rappelle que Tahqiq al-Tawhid, la définition qu'il avait dit, c'est le délaissement du, c'est l'ikhlas, la pureté dans l'adoration, le fait de vouer le culte exclusivement à Allah Jalla wa Ala, donc de laisser toute forme de shirk, évidemment, as le shirk al-Akbar, mais même le shirk asghar dans toutes ses formes. Et on avait vu même le fait de délaisser la bid'a. Et le fait de ne pas persévérer dans le péché. C'est-à-dire ces gens-là, ce n'est pas des gens qui meurent en ayant persévéré, par exemple, dans un grand péché sans être repenti. Donc ça, c'est tahqiq al-tawhid. Et on a vu, donc dans le dernier hadith, qu'en plus, on voit que c'est des gens, donc as-sabiquna bil khayrat, c'est des gens qui délaissent des fois certains sebab qui sont même pas interdits, qui sont makruh. Comme l'istirqa, le fait de demander à quelqu'un de faire une ruqya, ou l'iktiwa, le fait d'utiliser la cautérisation quand il y a une plaie qui est très ouverte, qui saigne beaucoup. Ça, c'est des choses à la base qui ne sont pas haram. C'est des choses qui sont makruh. Mais on sait que as-sabiq bil khayrat, par rapport à al-muqtasid, il va délaisser, on a dit, al-muharramat, il va délaisser les interdits. Mais c'est pas quelqu'un qui délaisse de manière régulière les choses blâmables. Par contre, celui-là, il délaisse même ces sebeb-là qui sont makruh, alors qu'il en a vraiment besoin. On a dit, la raison qui le pousse à faire ça là-bas, c'est quoi? C'est tawakkul. Ouais, tawakkul complet. Ensuite, le shir, dans le quatrième chapitre du livre, il a cité Bab al-Khawf min al-Shirk, le chapitre de la peur du shirk. Al-Khawf min al-Shirk. Et donc là, il a cité deux versets. Et il a cité quelques hadiths. Donc ici, Bab al-Khawf min al-Shirk, al-Muhashi dit, Aïe, Bab wujub al-Khawf min al-Shirk, wa tahattumuhu. والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمينة ولما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه نسب أن يذكر الخوف من ضده وهو شرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وفي الحديث من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه فليحذر المؤمن زوال تلك النعمة وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قيل له يا رسول الله وإن القلوب لا تتقلب قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فإن شاء سبحانه أقامها على دينه وإن شاء أزاغها وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. نعم. Donc, باب الخوف من الشرك, le chapitre de la peur du shirk. Ici, المحشي dit, chapitre de l'obligation d'avoir peur ou de la peur du shirk, d'avoir peur du shirk. L'obligation d'avoir peur du shirk. Et donc, le fait de prévenir et de prévenir du danger du shirk. Et d'évoquer le hukm dans l'akhira, dans l'au-delà, qui s'attache au shirk al-akbar, c'est quoi? C'est la le khulud fil-nar, le fait de demeurer éternellement au feu et d'être châtié éternellement dans le feu. Quand on dit wa khaf al-shay fazi'a min wa taqa, le fait d'être repoussé par quelque chose, le fait d'être effrayé par quelque chose. C'est l'inverse de Amina. Amina, c'est être en sécurité. Et le shir, dans l'ordre dans lequel il a évoqué ces chapitres-là, il a évoqué d'abord le tawhid, ou le hukm du tawhid, ensuite son mérite, ensuite son accomplissement complet ou total. Il apparaît qu'il convenait qu'il évoque la peur du shirk. Pour que le croyant, donc, en prenne garde et qu'il en ait peur. Pour lui et pour ses proches, pour les musulmans d'une manière globale. Ça rejoint ce que faisait Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il dit que les gens, globalement, ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, pour le faire. Il dit, moi, j'interrogeais le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mal de peur d'y tomber. C'est-à-dire d'interroger sur le mal pour le connaître et de s'en écarter, pour pas y tomber. Comme il le dit ensuite là. Le sens ici, c'est, peut faire une parenthèse, c'est que le sens, c'est pas yani, le fait de, par exemple, on trouve des gens qui vont s'intéresser à toutes les choubouhettes qui existent concernant un sujet. Par exemple, dans l'iman, sur ce que c'est l'iman, qu'est-ce qui contredit l'iman et le kofr, c'est que les gens de la bid'a, ils ont des choubouhettes, ils ont des erreurs. Le but, c'est pas yani, d'aller chercher tout ce qui existe comme choubouhettes. C'est pas le sens de la parole de Hudhayfa, de connaître toutes les choubouhettes et de savoir répondre à toutes les choubouhettes. Mais il convient au talib al-ilmi, à l'étudiant en religion, il convient par contre de connaître les choubouhettes qui sont développées à son époque et à l'endroit où il vit et de savoir y répondre pour se protéger lui-même et pour mettre en garde les autres. Ça, c'est important. Et dans le hadith, moi, c'est pas un hadith marfou', c'est pas un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole de Sofiane al-Thawri. Sofiane al-Thawri, il parle des gens de la bid'a. Et il parle de al-mu'amalat avec les gens de la bid'a, c'est-à-dire comment le musulman doit se comporter avec les gens de la bid'a. Et là il dit man amina Allah 'ala dini tarafat 'ayn salabahu iyya, c'est-à-dire celui qui s'assoit auprès des gens de la bid'a en se sentant lui-même tout seul par sa propre personne capable de se guider et ne pas les suivre dans leur bid'a. Il dit alors celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il se sent en sécurité, mais pas par lui-même, pas par tawakkul, en se reposant sur Allah azza wa jal, mais par lui-même, il se sent en sécurité. Il dit alors celui-là, Allah, il lui enlève sa religion, ou il peut l'égarer. Et donc, le croyant, il doit prendre garde. Et le premier sabab, c'est de suivre les salafs concernant l'attitude qu'ils avaient envers les gens de la bid'a, c'est-à-dire de s'écarter d'eux. surtout pour celui qui n'a pas les armes pour répondre à leur bid'a et qui risque au final, après avoir eu la bonne intention de leur répondre et de repousser leur choubouhette, de finalement les suivre. Comme on l'a déjà vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait la du'a muqallib al-quloub, ou celui qui retourne les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, maintiens mon cœur sur ta religion. Et là, les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, les cœurs se retournent, c'est-à-dire changent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah azzawajal, et il les retourne comme il veut. S'il veut, il les maintient sur sa religion, et s'il veut, il les égare. Entre parenthèses, ici, on a donc sifat de al-usbu'. Allah Jalla wa Ala, il a des doigts. Non. Et la réalité de la peur du shirk, c'est quoi? C'est le fait de s'en remettre et de chercher la protection auprès d'Allah Jalla wa Ala, d'y tomber. Comme on a dit avant, celui qui pense qu'il peut y arriver seul, sans la guider d'Allah Jalla wa Ala, ça c'est lui à la base, il est égaré. Quelqu'un qui est égaré à la base. À la base, c'est le fait de se réfugier contre celui qui détient entre ses deux doigts, on a vu les cœurs, qui tient les cœurs entre ses deux doigts, et qu'il les retourne, et qui guide qui veut, qui égare qui veut. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, le cœur, il a été appelé qalb, justement parce qu'il est taqallab, parce qu'il se retourne. Penser à quelque chose qui se retourne facilement sur une face ou sur une autre, ça, c'est le cœur. Trouve le matin, la personne, elle est croyante, le soir, elle est mécréante. Et donc, la peur du shirk, c'est ça. Premièrement, c'est se réfugier auprès d'Allah Azzawajal. Ou c'est plutôt l'ordre. Wallahu alam, il l'a cité dans cet ordre-là. Mais ensuite, il dit wal bahth wa taftish ani shirk wa wasa'ilihi wa dhara'i'ihi li yaslam min al-wuqu'i fi. C'est-à-dire, c'est le fait de rechercher à partir du moment où on sait qu'Allah Jalla wa Ala, il nous a interdit le shirk. Où on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il pardonne pas le shirk et que celui qui meurt sur le shirk akbar, il demeurera éternellement au feu, qu'il n'en sortira jamais. Et aussi à partir du moment où on sait que l'islam ne peut se réaliser sans le délaissement du shirk, il convient à tout un chacun de rechercher ce qu'est le shirk. C'est que le shirk, c'est quoi? Il se produit comment? C'est quoi des paroles, des actes, des croyances, de chercher ce que c'est le shirk. Ça, c'est la première chose. Parce que sans cette science-là, on ne peut pas s'écarter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a eu cette science-là, ne pas se reposer sur la science qu'on a, simplement. C'est-à-dire, je connais le shirk, c'est bon, je sais ce que c'est, je vais jamais y tomber. Non. C'est après ce qu'il cite là en premier, Sidqul iltija ila Allah. Une fois, c'est-à-dire une fois qu'on sait ce que c'est le shirk, c'est le fait de demander protection à Allah Azzawajal, le fait de se réfugier auprès de lui pour ne pas y tomber. C'est plutôt dans cet ordre-là, et c'est le fait de rechercher le shirk, c'est quoi le shirk exactement pour ne pas y tomber, c'est exactement le sens de la parole de Huzaifa. Huzaifa qui disait, les gens y demandaient. Ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien pour le faire. Moi, j'interrogeais le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mal pour ne pas y tomber. Et c'est exactement le cas concernant le plus grand des maux qui est le shirk. Donc, le musulman, première chose qu'il doit connaître, le sens de la ilaha illallah, c'est quoi l'ilah, c'est quoi l'ibada. Qu'est-ce qui contredit l'ibada, qu'est-ce qui contredit l'ikhlas, le shirk, etc. Première chose que le musulman il doit apprendre et il doit au sujet duquel il doit chercher. Non. Ensuite, le shirk, il cite donc le premier verset du chapitre, verset de sourate An-Nisa, qu'Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Donc, le Muhashi il dit, أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه وتعالى وصارف خالص حقه لغيره مشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه وإذا كان من مات على الشرك ليغفر له وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ومع كونه أعظم الذنوب عند الله تعالى وليغفر لمن لقيه به فهو هدم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. Donc le sens c'est qu'Allah Jalla wa Ala, sens de ce verset, Inna Allaha, Inna Tawkid, Inna Allaha, vraiment Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Donc, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas au serviteur qui le rencontre en étant mushrik. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commis le shirk akbar durant son vivant et qui ne s'en est pas repenti. Donc, il est mort mushrik. Encore une fois, le shirk, il suffit de le faire une fois, ou de le dire une fois, ou de le croire une fois, pour devenir mushrik. C'est pas nécessaire de le faire plusieurs fois de manière répétitive ou que le serviteur en fasse une religion comme c'était le cas de Quraysh par exemple. Pour ça, Allah Jalla wa Ala dit dans un autre verset, wa'budullaha, le verset qu'on a vu dans le premier chapitre, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. On comprend de la langue arabe quand Allah il dit wala tushriku bihi shay'an. Wala tushriku, ici on sait que c'est un nahi, l'interdiction. Or l'usuliyun ils disent que un nahi yaqtadi at-takrar ou at-tikrar. C'est-à-dire que quand dans la langue arabe quand on interdit quelque chose, On ne respecte cet interdit-là que lorsqu'on le délaisse de manière continuelle. À partir du moment où on le fait qu'une fois, cet ordre-là, cette interdiction-là, on l'a dépassé. Ici, on a eu, à quelque temps, ici, il y a eu des gens, bon, comme d'habitude, progressivement, qui commence avec des choses plus légères et qui termine à dire que ça on trouve pas mal dans les chouboîtes des gens de maintenant. Quelqu'un par exemple qui vient de rentrer en islam, donc qui connaît pas les rites, tous les rites de l'islam, etc. et qui commet juste un peu de shirk. Ce qui est voulu là, c'est le shirk akbar. Qui commet une fois comme ça ou deux du shirk akbar. C'est quelqu'un qui reste sur l'islam, qui est musulman. Ça contredit le Coran, ça contredit ce que c'est l'ibada. C'est des gens qui savent pas pour dire ça, ils savent pas ce que c'est l'adoration. Et ça contredit la langue arabe, comme on vient de le dire, dans le fait qu'Allah Jalla wa Ala, quand il dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Wa la tushriku bihi shay'an, ici, c'est une condition, comme on l'avait vu dans la réalisation du tawhid, et cette interdiction là elle est bafouée à la moindre À la moindre parole ou au moindre acte de shirk, cette interdiction-là, elle n'a pas été respectée. À partir du moment où la personne, elle donne un associé à Allah par la parole, par la langue, ou par la croyance, ou par l'acte, celui-là, il n'a pas respecté wala tu shirku bi shay'an. Mais on dit qu'il est mushrik. Parce que le musulman, le muwahhid, c'est celui qui adore Allah, Jalla wa Asal, Allah Jalla wa Ala seul, et qui délaisse le shirk comme on l'avait vu. Que ce soit un peu en petite quantité ou en grande quantité. C'est le sens. Wala tu shiriku bihi shay'a. Wala tu shiriku. On avait dit wala tu shiriku. Tu shiriku fi al mudari' fi siyaq. Un nafi yufid al umum. C'est-à-dire wala tu shiriku. C'est-à-dire n'importe quelle sorte de shirk, n'importe quelle quantité de shirk ou n'importe quelle sorte de shirk akbar. Il ne faut pas qu'elle se mélange à l'adoration, sinon le tawhid il n'est pas réalisé. Et ici il dit, donc Allah Jalla wa Ala, il ne pardonne pas aux serviteurs qu'il le rencontre avec ce shirk-là. Donc c'est quelqu'un qui est mort en ayant fait du shirk sans s'en être repenti. C'est-à-dire là, il explique le sens du shirk. Le fait de mettre un égal à Allah Jalla wa Ala dans une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il est unique. Que ce soit dans sa rububiyya, dans ses actes, que ce soit dans ses noms ou dans ses attributs, ou que ce soit dans l'adoration. Et donc c'est quelqu'un qui va donner quelque chose que seul Allah Jalla ou à la mérite à un autre. C'est ça le sens du shirk à la base. Le sens du shirk, c'est le fait d'adorer Allah et d'adorer aussi un autre qu'Allah en même temps. Ça, c'est le shirk. Quelqu'un à la base qui est complètement rafil, c'est-à-dire qui est complètement et qui pense pas, même pas du tout à Allah Azza wa Jal, qui l'adore jamais, à la base, on n'appelle pas ça mushrik, on appelle ça mustakbir. Quelqu'un qui s'enorgueillit de l'adoration d'Allah, qui n'adore pas Allah du tout, qui adore qu'un autre que lui. Le mushrik à la base, comme c'était le cas des gens de Quraysh, et le mushriki jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des gens qui adorent Allah Azza wa Jal par différents types d'adoration, mais qui vont à certains moments à donner l'adoration ou donner autre que l'adoration, comme l'obéissance par exemple, ou le hukm, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a le sens de tashrik. Le mélange, le fait d'associer deux choses. Il dit wa mushabbihu al-makhluq al-ajiz bimman lahu al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh. Donc ça, on l'avait vu dans le wasitiya. On avait vu que le tashbih, il est de deux sortes. Ce qu'on appelle tashbihu al-makhluq bil-khaliq wa tashbihu al-khaliq bil-makhluq. Tashbih al-makhluq bil-khaliq, c'est le fait de comparer la créature à Allah en lui donnant quelque chose que seul Allah y mérite. Comme l'adoration, par exemple. Donc, ce qu'ont fait les mouchriquins de Quraysh et les mouchriquins de toutes les communautés. Tashbih al-khaliq bil-makhluq, ça, c'est, on avait vu, ça concerne les sifats d'Allah Jalla wa Ala. C'est ceux qui disent, par exemple, que Allah, il a une main, oui, mais elle ressemble aux mains des êtres humains, par exemple. Ça, c'est tashbih. Les deux, évidemment, c'est du shirk. Les deux, ça fait sortir de l'islam, mais simplement, ça ne vise pas la même catégorie ou la même sorte de tawhid. Et donc, c'est le fait de comparer Allah Jalla wa Ala, qui est caractérisé par des sifat, comme on l'a vu, de perfection, qui est exempt de tout défaut, de tout manquement. De tout, et comparé à Allah Jalla wa Ala qui à celui qui est ajiz, à l'incapable, à l'ignorant, à celui qui a besoin d'autrui pour pouvoir vivre. Ça que le shirk, souvent Allah Jalla wa Ala dit, souvent Allah subhanahu wa ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, amma yushrikun. On sait que le sens de subhana et tasbih, c'est le fait de glorifier Allah et de l'exempter d'être à l'égal de ce quoi il l'associe. C'est ça que les ulama considèrent le shirk comme une insulte envers Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, l'ahad, Il est identique, on le met à l'identique avec des choses qui sont remplies de défauts. Ça fait, c'est pas, c'est pour ces raisons-là, entre autres, qu'Allah Jalla wa Ala, il pardonne pas le shirk. Quelqu'un, il peut poser la question, pourquoi Allah Jalla wa Ala, il pardonne, par exemple, le meurtre, il pardonne un tas de choses. Tout, en dehors du shirk d'ailleurs, comme c'est le cas de, comme on le voit dans l'ayah, mais il pardonne pas le shirk al-akbar. Pour ces raisons-là qu'il cite ici. Allah Jalla wa Ala, il a la perfection totale, et c'est cette personne-là, elle va le mettre à l'égal avec quelqu'un qui est touché par tout type de défauts, d'imperfections, de manquements, etc. Et une fois que le serviteur, il sait ça, qu'Allah Jalla wa Ala, il pardonne pas le shirk akbar, ça provoque évidemment pour celui qui croit au Coran, croit à la parole d'Allah, et ça provoque évidemment une peur immense du shirk akbar. Cette personne-là, elle sait que si elle meurt tout de Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pas. Et qu'elle demeurera éternellement au feu. Il n'y a plus de sortie. Et dit aussi que c'est une attaque à la rububiyya. Pourquoi? Parce que Allah Jalla wa Ala, on a dit que la base dans le tawhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes. Et que par cela, lui seul, il mérite l'adoration. Lui seul mérite qu'on l'aime, lui seul mérite qu'on se rabaisse, qu'on s'humilie, qu'on lui obéisse, etc. Or, celui qui donne ces choses-là à un autre, qu'Allah Jalla wa Ala, il respecte pas cette base-là, cette la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وتنقص للألوهية وسوء الظن برب العالمين. سوء الظن parce qu'il compare Allah Jalla wa Ala à des choses qui sont, comme on l'a dit, imparfaites, remplies de défauts, et qui sont à la base makhlouq, des choses à la base qui n'existaient pas, qu'Allah il a fait exister. Mettre à l'égal de l'Khalq qui a toujours été là et qui sera toujours là, qui est capable de tout, qui sait tout. Le comparer à celui qui est incapable, ignorant, et qui mourra, et qui a des besoins de manger, de dormir, d'aller aux toilettes. Donc tout ça, comparer Allah Jalla wa Ala à sa créature, c'est une insulte. Yani. Voilà, certains ulama disent, masabba, yani, c'est une insulte envers Allah Azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne en dehors de cela, c'est-à-dire ici on veut madouna shirk, en dehors du shirk, à qui il veut. Ay yaghfiru madouna shirk min adh-dhunub liman yasha'u min 'ibadihi. Wa fi sahih annahu sallallahu alayhi wa sallam a'ta thalathatan minha wa ghufira لمن وغفر الله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الكبائر ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره وصغيره وكبيره فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله أخبر أنه ليغفره لمن لم يتب منه وما ما دونه من الذنوب فهو تحت أو داخل تحت المشيئة إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه وليجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له بالنص القرآن وفي الآية ورد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. Donc Allah عز وجل il dit ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est-à-dire que en dehors du shirk, Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu, comme c'est la croyance de la Sunna wa Jama'a, il pardonne de ça en dehors de ça, c'est-à-dire en dehors du shirk akbar ou asghar, selon la compréhension de certains ulama. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc c'est pour ça qu'on dit tahta al-mashi'a. Si Allah Azza wa Jal, il veut, il pardonne. S'il ne veut pas, il peut châtier. En fonction de. Du poids des plateaux dans la balance des actions, comme on l'a vu dans le verset d'hier. Donc, il pardonne en dehors du shirk tous les péchés à qui il veut. Dans Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah jalla wa ala, il a donné trois choses, et entre autres, qu'il pardonne à celui qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala parmi sa communauté. C'est-à-dire qu'il pardonne parmi ces trois choses qu'il avait données. Donc, je me rappelle, il y avait dans ce hadith-là, il y avait la fin de Sourate Al-Baqarah, entre autres, et qu'Allah Jalla wa Ala, il pardonne à celui qui n'a rien associé, qui lui pardonne donc Al-Muqhimat, c'est-à-dire Al-Kaba'ir. Le sens de Al-Muqhimat en arabe, c'est Al-Mulqiyat Afinnar. C'est le sens de Al-Kabir, les grands péchés. Donc c'est une récompense que les compagnons ils avaient reçue. Et là, on voit le mérite d'être saint et sauf du shirk. Que ce soit le shirk Asrar ou l'Akbar. Ou que ça soit en petite quantité, en grande quantité. Alors ici, il fait, Allahu A'lam, il fait allusion à une chose dont on avait déjà parlé. On sait que parmi les ulama, il y a certains savants qui voient qui rentrent. Donc c'est une parole d'Ibn Taymiyyah. Allahu A'lam, Ibn Taymiyyah, il a deux paroles dans ce verset-là. Comme on l'avait déjà expliqué, c'est une compréhension basée sur la langue arabe. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Yaghfiru, c'est un verbe mudari'. Le verbe mudari' chez le ulama, chez le savant de la langue arabe, chez An-Nuhat, c'est nakira, c'est indéfini, c'est un mot indéfini. Le verbe mudari' c'est un mot indéfini, comme le masdar. Et il vient dans un contexte de négatif, de négation. La yaghfiru. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est nakira, comme ils disent les usuliyyin, nakira fi siyaq an-nafi fi al-umum. On a un mot indéfini dans un contexte de négation, et ça indique la globalité. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, la yaghfiru, inna Allaha la yaghfiru ishrakan, ishrakan, an yushraka. Donc ici, je reprends l'istidlal, pas tout à fait ça. L'istidlal, c'est que an, ici, on l'appelle an masdariya. C'est-à-dire qu'on peut remplacer an et yushrak par al-masdar. Donc à la place de dire an yushraka bi, on peut comprendre inna Allaha la yaghfiru ishrakan bihi, ishrakan bihi. Ishrakan masdar. Masdar nakira, ishrakan bit-tanwin, ishrakan. Donc fi siyaq an-nafi. Donc Allah jalla wa ala donc yufid al-umum. Allah Jalla wa Ala, il ne pardonne aucune sorte de shirk. C'est l'umum. Qu'il soit akbar ou askhar. Il y a des ulama qui ont compris le verset comme ça, qui ont dit que même le shirk askhar, Allah Jalla wa Ala, il ne le pardonne pas. Alors, il ne le pardonne pas, ça ne veut pas dire que celui qui commet le shirk askhar, qui s'en repent pas et qui meurt comme ça, il demeurera éternellement au feu. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Mais cette personne-là, elle sera forcément châtiée pour ce péché-là. Ça ne rentre pas tahta al-mashiyah. Allah, il ne le pardonne pas comme ça, sans adab. C'est une parole d'Ibn Taymiyyah, mais Allah, alam, il a deux paroles. Est-ce qu'il est revenu dessus ou est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça ici qu'il dit Wa fihi fadlu salamati min ash-shirki qalilihi wa kathiri wa sagiri wa kabiri. Comme si on dirait qu'il rentre shirk al-asghar dans l'ayah. Le problème, comme on a dit, On ne peut pas comprendre tous les versets comme ça. Par exemple, dans le verset où Allah il dit, Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Ma'ida, où il qala Isa ibn Maryama, Ya bani Israël, U'budu Rabbi U'budu Allah Rabbi wa Rabbakum, Innahu man yushrik billah faqad harram Allahu alayhi al-Jannah. Man yushrik, c'est pareil. Ici, man, ismu shart. Yushrik, donc, fi'al mudari', fi siyaq shart. Donc, c'est la même chose. Fi'al mudari', nakira, fi siyaq shart, yufid al-umum. Si on reprend cette règle de langue arabe. Donc, rentre là-dedans, avec cette compréhension-là, toutes les formes de shirk. Akbar wa asghar. Or, on ne peut pas comprendre le verset comme ça, parce qu'Allah, il dit quoi? Inna Allah, man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Allah, il lui interdit le jannah. Donc on voit bien qu'on ne peut pas rentrer dans ce verset-là, le shirk al-asghar. Allah Jalla wa Ala, il n'interdit pas ça, bil-ijma'a, al-sunnah wa jama'a bil-ijma'a, il n'interdit pas l'entrée au paradis à celui qui a fait du shirk asghar. Et ceux donc qui disent qu'il n'y a que l'akbar qui rentre là-dedans, ils répondent en disant quoi? La règle de langue arabe, elle est juste, mais ici, elle n'est pas applicable. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit aussi, le shirk dans le Coran, quand Allah Jalla wa Ala, il évoque le shirk dans le Coran, ce qui est voulu, c'est toujours l'akbar. Ce qui est voulu, c'est toujours le shirk akbar. C'est ce qu'on appelle adat al-Qur'an. Adat al-Qur'an. Quand Allah Jalla wa Ala, il évoque le shirk dans le Coran, c'est toujours l'akbar qui est voulu. Non. Ensuite, il nous dit, le Muhashi, donc il apparaît clairement dans ce verset-là, on comprend clairement pourquoi le shirk c'est le plus grand des péchés. C'est le seul péché qu'Allah Jalla wa Ala, il pardonne pas. Le shirk al-akbar, c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, et on comprend bien que pourquoi c'est le plus grand des péchés, et on comprend pourquoi le musulman, il en a peur. Et en dehors de ça, tout péché rentre تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc celui à qui Allah Jalla wa Ala, il veut pardonner, il pardonne, il lui pardonne. N'importe quel péché en dehors du shirk, l'akbar. Et il n'est pas permis donc de comprendre la parole d'Allah, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب, c'est-à-dire la deuxième partie du verset. On ne peut pas comprendre qu'elle concerne celui qui se repent. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il pardonne en dehors du shirk al-akbar à qui il veut pour celui qui se repent. C'est une compréhension qui est fausse parce que même le shirk akbar qui est évoqué au début du verset, où Allah Jalla wa Ala, il dit qu'il ne pardonne pas, même celui qui se repent durant sa vie, avant sa mort, donc du shirk al-akbar, Allah Jalla wa Ala, il lui pardonne. Allah il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ça c'est concernant at-ta'ib. Allah il pardonne tous les péchés pour celui qui s'en repent. L'at-ta'ib. Ça aussi c'est quelque chose qui est une mujma alay, unanime concernant les al-sunna wal jama'a sont unanimes concernant cette question-là. Et il y a aussi une réponse dans le verset au Khawarij. Le Khawarij qui prétendent que, et on peut rajouter le Mu'tazila avec, parce qu'on se rappelle que le Khawarij et le Mu'tazila, ils sont d'accord concernant celui qui commet un grand péché qui ne s'en repent pas, ils disent qu'il demeurera éternellement au feu. Simplement, on avait dit que le Khawarij, dans la dunya, il considère cette personne-là kafir, et que le Mu'tazila, ils disent qu'il est fasiq بمنزلة بين المنزلتين. La différence qu'on avait vue dans la loi CTA. Mais concernant l'akhira, ils sont d'accord pour dire que celui qui commet un grand péché qui ne s'en repent pas, parle pas du shirk akbar, un autre péché comme zina, riba, le khamr, lui qui meurt sans s'en repentir, il demeure éternellement au feu. Ça, c'est de leur bid'a. C'est contredit par ce verset-là, c'est une réponse les concernant. Et on peut aussi dire quoi? Que c'est une réponse aussi aux exagérateurs d'El Murji'a, donc les gens auxquels on a affaire aujourd'hui, qui se prétendent salafiyoun, qui s'attribuent aux salaf, etc., qui ont des beaux noms, des beaux qamis, et qui font pas, donc qui mettent tous les péchés dans le même sac. C'est-à-dire que n'importe quel péché, qu'il soit kofr ou pas kofr, ils vont toujours conditionner la croyance pour que cette parole-là ou que cet acte-là fasse sortir de l'islam. Donc ils font des péchés, une seule sorte de péché, alors qu'Allah Jalla wa Ala, il a, dans ce verset-là, il a bien éclairé, bien montré qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a le shirk, on peut mettre le kofr avec, qu'Allah il ne pardonne pas pour celui qui ne s'en repent pas. Et il y a les autres péchés qui sont tahta al-mashia. Donc dire que quelqu'un qui dit une parole de kofr ou qui fait un acte de kofr ne mécroit uniquement s'il a la croyance que c'est halal, ça c'est valable pour tous les péchés. Quelqu'un qui vole et qui croit que c'est halal, il est kafir lui aussi. Donc ils ont fait une seule sorte de péché, yani. Alors que el sunna wal jamaa, on sait que el iman qawl wa amal, que la personne elle peut sortir de l'islam par un acte ou par une parole, pas simplement par une croyance. La croyance n'est pas conditionnée pour tous les actes. La croyance est conditionnée pour les actes qui ne sont pas du kufr en eux-mêmes. Donc les grands péchés. Et ce verset-là, il fait bien la distinction entre les deux sortes de péchés. Donc c'est aussi une réponse à ces gens-là. On peut les appeler, ils sont au-dessus de l'irja, des roulettes fil irja. Ou même dans, on peut les appeler le Jahmiya. Jahmiya, on peut les appeler. Ils sont même pires que le Jahm Ibn Safwan. Voilà, donc, Allahu alam, on va arrêter là, Inch'Allah, ta'ala, pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, avec Bab al-Khawf amani shirk. Non. Allahu alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.